Hey Babylone, Babylone, écoute les instruments du monde résonner contre toi. Pour tous tes méfaits, ton heure a sonné. Tes murs s'écroulent, ton empire va s'effondrer. Tous tournés vers Jah, écoute la vibration. Écoute. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine Babylone de nous oppresser comme ça, non. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine Babylone de nous oppresser comme ça, yeah. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine Babylone de nous oppresser comme ça, non. C'est pas la peine, non, non, c'est pas la peine, non, non. Tous les jours la même à écouter tes mensonges insanités. Get to you, t'aimerais qu'un jour tu le laisses respirer. Car tu t'enfermes dans ta vision, tu ne peux plus t'arrêter. Pire, tu le fais exprès et toujours dans ton intérêt. Ceux que tu agresses de jour en jour ne font que te détester. Il arrivera un jour où ton manège devra cesser. Selon la prophétie des anciens, ton empire doit tomber. La mort que t'as semée, tu dois la récolter. Skibidi down, skibidi down, skibidi down, down, down. Babylone, l'heure du jugement a sonné. Hey! C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine Babylone de nous oppresser comme ça, non. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine Babylone de nous oppresser comme ça, yeah. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine Babylone de nous oppresser comme ça, non. C'est pas la peine, non, non, c'est pas la peine, non, non. C'est le règne des méchants qui prône à présent. Où est passé le peuple, où sont les rebelles et militants? Travaillant pour Jah car ils n'ont pas le temps de se laisser aller quand tu vois ce qu'ils laissent à nos enfants. Je ne suis pas là pour juger mais ils sont plus que bien portants. Ne pense plus à leur semblable mais ne pense qu'à leur argent. Accusant la violence, la délinquance d'avoir pris les devants. Se demande pourquoi l'opprimer et bien souvent en mécontent. Hey Babylone, skibidi da da da, skibidi da da da. L'heure du jugement pour toi a sonné. Skibidi da da da, skibidi da da da. Dans le feu tu vas brûler. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine Babylone de nous oppresser comme ça, non. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine Babylone de nous oppresser comme ça, yeah. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine Babylone de nous oppresser comme ça, non. C'est pas la peine, non, non, c'est pas la peine, non, non. Hey. Quand viendra le changement, quand tout se mettra en mouvement? Je te le dis, il est temps, je te le dis, c'est le temps. Qui pourra stopper ça, qui est-ce qui se mettra devant? On s'écartera de Satan, on s'écartera de l'argent. Babylone, t'auras beau hausser les épaules ou montrer les dents, y'aura pas un ministère assez fort pour cacher dedans. Tu réécris l'histoire, c'est l'histoire qui te réécrit. T'as trop mis de côté, tu t'es joué de la colère d'Almighty. De la colère d'Almighty. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine Babylone de nous oppresser comme ça, non. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine Babylone de nous oppresser comme ça, yeah. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine Babylone de nous oppresser comme ça, non.